Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brérotot. Markem.archive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 3. Deuxième douleur, la fuite en Égypte. Première partie. La fuite en Égypte a toujours été, dans l'Église, un sujet fécond pour la poésie et pour l'art, tandis qu'elle a été, pour les âmes religieuses, une source abondante de larmes et de contemplation. Non seulement ce mystère est en lui-même d'une extrême beauté, mais les gentils se sont plu à le regarder, après l'épiphanie, comme le commencement des opérations de notre Seigneur sur eux. Jésus s'enfuit de chez son peuple pour aller chercher un refuge dans une contrée païenne. Il consacre par sa présence la terre même qui avait été la plus grande ennemie historique de son peuple, et qui était, pour ainsi dire, le véritable type de toutes les ténèbres de l'idolâtrie. Parmi ces gentils environnés de ténèbres, il trouve une demeure paisible, où les persécutions ne viennent pas troubler le calme de sa vie d'enfant. Les idoles tombent de leurs autels à mesure qu'ils marchent. Une vertu secrète s'avance dans la riche vallée du Nil pour l'inonder et s'étendre au loin dans ses plaines de sable brûlé. Elle sanctifie toute cette région, et la met à part comme un sanctuaire futur, un désert en fleurs, désolation changée en un paradis peuplé de saints. Les pères du désert passeront en proverbe même parmi les grandeurs de l'Occident chrétien. Ils seront un phénomène que les hommes ne se lasseront jamais d'admirer, une discipline vivante, une école permanente, dans laquelle toutes les générations à venir des saints catholiques viendront s'instruire et prendre leur degré. Aussi, l'Occident païen s'est-il plu à accumuler les traditions touchant la fuite en Égypte, le séjour dans cette contrée et le retour. Si la paix n'existe pas dans la ville retirée de Nazareth, où la trouverons-nous? Les regards d'un pouvoir jaloux, rendu plus pénétrant par le discernement subtil d'une crainte égoïste, découvriront-ils le Saint-Enfant parmi les nombreux enfants de ce village écarté? L'esprit du mal y aura l'œil, soyons-en sûrs, la paix n'est l'héritage ni de Jésus ni de Marie. Il est vrai que Jésus est le prince de la paix, mais ce n'est pas d'une paix telle que la rêve la terre. Marie n'est revenue chez elle que depuis peu de temps. Son cœur est brisé, elle a besoin de se reposer. Le repos viendra la trouver à l'heure ordinaire, mais autrement qu'on n'aurait pu s'y attendre. Au milieu de la nuit, le Seigneur apparut pendant son sommeil à Joseph, le gardien sur la terre des trésors les plus précieux du ciel, et lui ordonna de se lever, de prendre l'enfant et sa mère, et de s'enfuir en Égypte. Les trois rois étaient retournés en Orient sans faire savoir à Hérode s'il avait trouvé le roi nouveau-né et sans lui dire qui il était. Hérode leur avait commandé de revenir le trouver, mais l'Écriture ne nous dit pas qu'ils eussent promis de le faire, ou, s'il l'avait promis, l'ordre de Dieu, qu'il reçut en songe, annula la promesse qu'ils avaient faite. Cependant la tyrannie ne devait pas être ainsi frustrée, et, de peur de manquer son but, elle noya Bethléem dans le sang par le massacre des innocents. Marie, voyez quelle sœur cruelle vous avez été pour ces pauvres mères de Bethléem, qui vous avez vu, le soir de Noël, errer sans asile dans les rues, pendant qu'elles caressaient peut-être leurs petits-enfants à leur porte. Quel concert de gémissements s'éleva du sommeil étroit de cette colline, tandis que le sang coulait à flots dans les ruisseaux des rues en pente rapide. C'était la loi de l'incarnation, la loi qui enveloppait le doux Jésus, et qui commençait son œuvre. Seigneur bien-aimé, son grand amour pour nous avait déjà brisé le cœur de sa mère. Cet amour remplissait alors de désolation les heureux foyers de Bethléem et en marquait de sang leurs portes inhospitalières. Et tout cela afin de conserver Jésus pour le calvaire, où il devait, avec des souffrances mille fois plus cruelles, répandre son précieux sang pour nous. La nuit était sombre et tranquille au-dessus de la petite ville de Nazareth quand Joseph partit. Nul commandement de Dieu ne fut jamais exécuté par le plus grand saint, ni par l'ange le plus zélé, avec autant de promptitude que celui-ci le fut par Marie. Elle entendit les paroles de Joseph, et elle lui sourit en silence pendant qu'il parlait. Il n'y eut en elle ni trouble, ni précipitation, quoiqu'elle éprouvât toute la crainte d'une mère. Elle prit son trésor pendant qu'il dormait, et partit avec Joseph à la froide lumière des étoiles, car sa pauvreté avait peu de préparatifs à faire. Elle quittait de nouveau sa maison. La terreur, les difficultés, le désert et le séjour chez les païens étaient présents à ses yeux, et elle fit face à tout, avec le calme angoisse d'un cœur déjà brisé. Çà et là le vent de la nuit s'agitait dans les figuiers dépouillés de leur feuillage, en courbant leurs branches devant le ciel brillant, et, de temps en temps, un chien de garde aboyait, non parce qu'il entendait les fugitifs, mais par suite de l'inquiétude nocturne des animaux. Mais, de même que Jésus était venu comme un dieu, ainsi il s'en allait comme un dieu, sans être remarqué et sans que son absence parût causer un vide. Personne ne semble moins manquer sur la terre que celui de qui elle dépend tout entière. Le chemin qu'ils prirent n'était pas celui que la prudence humaine leur aurait indiqué. Ils retournèrent sur la route de Jérusalem, qu'ils avaient suivie si peu de temps auparavant. Mais en évitant la cité sainte, ils passèrent près de Bethléem, comme si le voisinage de Jésus devait répandre la bénédiction sur ses enfants qui, dans l'ignorance du sort cruel qui les menaçait, reposaient encore chaudement dans les bras de leur mère. Ils arrivèrent ainsi à la route qui conduit au désert, Joseph marchant le premier, comme l'ombre du Père éternel. Ils franchirent la frontière de la terre promise, et ils s'avancèrent jusqu'à ce que l'œil les perdit de vue et qu'ils ressemblassent à des taches sur le sable du désert. Deux créatures avaient apporté le Créateur dans le désert et prenaient soin de lui au milieu du sable pierreux de ses gorges sans eau. Le lever et le coucher du soleil, l'éclat du midi et la lueur de minuit, l'orbe de la lune, et le hâle enflammé se renouvelèrent pour eux pendant bien des jours dans le désert. Cependant ils continuaient leur route. Pendant la nuit, ils avaient à souffrir du froid, et pendant le jour, ils étaient brûlés par un soleil contre lequel il n'y avait pas d'abri. Ils n'avaient que peu de vivres et souffraient souvent de la soif. Ils savaient qui ils portaient, et ne cherchaient pas de miracle pour alléger leur charge. Une antique tradition rapporte qu'ils s'arrêtèrent un soir dans une caverne de voleurs. Voir Récréation pieuse numéro 6 de Sainte Thérèse de Lisieux. Ils y furent reçus avec une hospitalité rude, mais bienveillante, par la femme du chef de la troupe. Peut-être était-ce l'affliction qui la rendait bonne, car il en est souvent ainsi chez les femmes. Elle avait un bel enfant, la vie de son âme, le seul être doux et innocent, au milieu de la vie coupable et sauvage qui l'entourait, et cet enfant était blanc comme la neige. Hélas, il ne l'était que trop, car cette blancheur était celle de la lèpre. Mais elle ne l'en aimait que davantage, et elle le pressait plus tendrement sur son sein, comme le font les mères, à cause de son infortune. Cet enfant était plus que jamais pour elle la vie et la lumière. Marie et Jésus, la femme du voleur et l'enfant lépreux ensemble dans la caverne, à la tombée de la nuit. Quel lieu convenable pour le Rédempteur! Quel gracieux symbole de l'Église qu'il a fondée! Marie demanda de l'eau pour laver notre Seigneur, la femme du voleur lui en apporta et Jésus y fut lavé. La bonté, en ouvrant le cœur, ouvre également les yeux de l'esprit. La femme du voleur aperçut quelque chose de remarquable dans ses hôtes. Qu'il y eut une lumière autour de la tête de Jésus, que le Saint-Esprit parla par la voix de Marie, ou que la présence seule de tant de saintes l'affecta étrangement, c'est ce que nous ne savons pas. Mais, rempli d'amour et d'une sorte de foi, le cœur de la mère devina. La terre connaît bien cette faculté de deviner que possède le cœur maternel. Elle prit l'eau dont Marie s'était servie pour laver Jésus, il lava son petit lépreux Dima, dont la chair devint tout à coup aussi rose et aussi belle que l'œil d'une mère pouvait le désirer. De longues années s'écoulèrent, l'enfant dut quitter les bras de sa mère, il accomplit des actions d'audace enfantine sur les sables du désert. Enfin Dima fut assez âgé pour se joindre à la troupe, et quoiqu'il ait semblé avoir conservé en lui jusqu'à la fin quelque chose du cœur de sa mère, il mena cependant une vie de violence et de crime, et à la fin, Jésus le vit amené prisonnier dans l'enceinte des murailles de Jérusalem. Attaché à la croix, consumé par la fièvre, au milieu d'une brûlante agonie, il fut assez pervers pour dire des paroles de mépris à l'innocent qui souffrait à côté de lui. Jésus demeurait silencieux, et Dima, le regardant, vit en lui quelque chose de céleste, quelque chose d'étranger à un criminel, et de tel, peut-être, que ce que sa mère ayant vu dans la caverne, 33 ans auparavant, était l'enfant dans le bain duquel sa lèpre avait été guérie. Pauvre Dima, la lèpre que tu as maintenant est plus dangereuse. Elle aura besoin de sang au lieu d'eau. L'opération de la foi fut prompte en lui. Peut-être son cœur était-il semblable à celui de sa mère, et la foi était en quelque sorte naturelle. Il comprend la scène du crucifiement, les railleries, les outrages, les blasphèmes, la prière du Christ pour ceux qui le persécutent, et le regard miséricordieux jeté sur lui par Jésus mourant. C'en est assez. Alors et sur le lieu même, il faut qu'il professe sa foi, car les prières de la Sainte Mère s'élèvent d'en bas, et le pécheur est enveloppé dans un véritable nuage de miséricorde. Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous entrerez dans votre royaume. Voyez comme il avait promptement dépassé quelques-uns même des apôtres. Il était attaché sur la croix pour mourir, et il savait que ce n'était pas dans un royaume terrestre qu'on se souviendrait de lui. Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis pour l'hospitalité de ta caverne, infortuné jeune larron. Et Jésus mourut, et la lance ouvrit son cœur, et le sang qui s'en échappa tomba comme une douce ondée sur les membres du larron mourant, et, quoique sa mère de la caverne ne fût point là, sa nouvelle mère était au pied de la croix, et elle l'envoya, après son premier-né, dans le paradis, pour être le premier de cette famille innombrable de fils qui devait entrer dans la gloire par ce sang précieux. Plusieurs siècles auparavant, le peuple juif, après sa délivrance de la servitude d'Égypte, avait erré dans ces mêmes lieux. Les sables gris, les rochers rougeâtres du désert, ces plaines parsemées de pierres, ces régions de rare verdure, ces côtes voisines de la mer, et ces puits renommés chez les pasteurs, avaient été le théâtre de prodiges tels que le monde n'en avait pas encore vu. Jamais le Créateur n'était intervenu si visiblement, ni si longtemps de suite, en faveur de ses créatures. Le camp tout entier, avec sa nuée et sa colonne de feu, Sa marche en forme de croix, avec Éphraïm, Benjamin et Manassé, portant les restes de Joseph, son église mobile, embellie des dépouilles de l'Égypte, était un miracle permanent. Sur le mont Sinaï, Dieu avait fait entendre son tonnerre d'en haut, versant sur tout le monde, à travers ce peuple hébreu errant, la lumière glorieuse et la foi fondamentale de l'unité de Dieu, doctrine qui, de l'austère grandeur du désert, arrivait au monde de la manière la plus convenable. C'est là qu'avaient été donnés ces commandements de morale céleste, sous lesquels nous vivons aujourd'hui, et qui seront, jusqu'au jugement, la règle de vie des hommes, la règle dont le juge se servira pour fixer la destinée de chacun. Dans notre enfance chrétienne, nous avons erré avec les Juifs dans ce désert silencieux, et nous y avons appris la crainte de Dieu. Dans leur pèlerinage, nous avons vu un symbole d'une autre. Il nous semblait presque que nous prenions par nous-mêmes à leur vicissitude les noms des puits et des lieux de repos résonnent encore à nos oreilles comme ces vieux refrains appris dans notre enfance, et que nous ne pouvons plus oublier. Alors le Créateur lui-même, dans la réalité de l'enfance humaine, errait à travers ce désert historique et renversant l'Exode, il allait faire de l'Égypte sa demeure, chassé de la terre délectable des anciens Chananéens par le peuple même qu'il y avait guidé au moyen d'une colonne de feu, par le peuple dont il avait livré les batailles, dont il avait gagné les victoires, et dont il avait établi les tribus, chacune dans la portion de territoire conforme à son caractère. Marie était là avec son Magnificat, au lieu de Myriam et de son joyeux cantique au bord de la mer, et il y avait un autre Joseph plus grand et plus cher que le saint patriarche d'autrefois, car celui-ci avait sauvé la vie des hommes en ménageant le pain de l'Égypte, tandis que le nouveau Joseph devait garder, dans la même Égypte, le pain vivant de la vie éternelle. Et les deux Joseph avaient traversé ce même désert. Que les pensées de Jésus et de Marie ont dû être admirables, lorsqu'il errait sur cette scène des miséricordes passées de Dieu, des jugements et des grandeurs d'autrefois. Nous pouvons, dans nos méditations, les suivre avec respect, mais il serait à peine respectueux d'écrire nos conjectures. C'était un voyage de difficultés et de fatigue. À la fin, ils atteignirent au rivage de la mer Rouge et ils virent les eaux qui les séparaient de l'Égypte. Nous aurions de la peine à supposer que leurs pas ne consacrèrent point le lieu précis de l'Exode quelque part qu'il fût. De là, il est très probable qu'ils suivirent la côte, tournèrent le golfe de Suez, et se dirigèrent vers Héliopolis, qui, pendant quelques années, allait être véritablement la cité du soleil. La tradition parle d'arbres qui courbaient leur tête, en inclinant leurs tiges flexibles et abaissant leurs couronnes de verdure et leurs longs éventails pour abriter la mère et l'enfant. Elle parle aussi des images bizarres des dieux païens qui tombaient, comme Dagon, de leurs piédestaux, quand le vrai Dieu passait. Là, sur les rives de ce fleuve antique où Moïse fit ses miracles, au milieu d'idolâtres ignorants, dans la gêne et la pauvreté, demeurèrent les étrangers hébreux, pendant 7 années, pendant 5 années, ou 2 années et demie. Selon l'opinion de différents auteurs, Joseph continua d'exercer son métier de charpentier, et Marie contribuait sans doute au soutien de la modeste famille, tandis que Jésus développait de jour en jour ses grâces enfantines, plus délicates et plus beaux 1000 fois dans sa beauté humaine que le plus frais lotus à la corolle de neige qui fut jamais bercée sur le sein du Nil. Durant 16 années, la cité égyptienne fut le centre du monde. Le jardin d'Éden n'était rien en comparaison d'elle, pour la beauté et les richesses. Les anges s'y rassemblaient en foule pour admirer et pour adorer. Là, quoique les hommes l'ignorassent, arrivaient les prières du monde entier, ses soupirs, ses secrètes espérances. Là arrivaient aussi les voix de la peine et de la douleur d'Héliopolis elle-même. Elle frappait l'oreille, l'oreille humaine d'un dieu, dans la rue voisine ou dans la même maison. Des actes surnaturels de sainteté consommés et d'un prix infini émanaient nuit et jour de l'âme humaine de Jésus, avec plus d'abondance que le plus haut débordement du Nil, et méritaient des grâces qui eussent été capables de fertiliser tout le désert d'un monde déchu. Le cœur de Marie aussi était plein de beauté durant 16 années. Sa sainteté s'élevait continuellement, son union avec Dieu, plus étroite déjà qu'aucun terme de la théologie mystique ne saurait l'exprimer, devenait de plus en plus étroite, de sorte que la mère semblait presque identifiée avec le Fils, malgré toute l'infinité qui demeura toujours entre eux, comme entre le Créateur et la créature. Les douleurs de Marie s'accroissaient aussi. Il y avait toujours dans son cœur l'affliction de sa première douleur, affliction qui devait durer toute sa vie, et à laquelle s'ajoutaient les nouvelles peines que cette seconde douleur, la fuite en Égypte, avait nécessairement amenée à sa suite. La sombre Égypte connut-elle la grande lumière qui brillait sur les rives de son fleuve fameux? Les prêtres, malgré eux, offraient-ils leur sacrifice au soleil avec moins de foi, alors que Jésus était tout près, qu'il sentait l'odeur des sacrifices, qu'il entendait leurs adorations insensées, lui qui avait créé le soleil, qui l'avait tiré du néant, qui l'avait doué de ses influences fécondes, qui l'avait établi comme un foyer, pour que l'éther doré, en s'y allumant, se transformât en chaleur et en lumière. Qui en avait fait le centre de régions de vie si vaste et si reculée, le centre de si magnifiques phénomènes s'étendant bien loin au-delà de planètes encore inconnues, et qui avait créé toutes ces merveilles avec son incompréhensible sagesse. Des soupçons ne traversaient-ils pas les esprits les plus réfléchis de la multitude? Lorsqu'ils se réunissaient dans les cérémonies ignobles de ce culte avilissant des animaux, alors que le Créateur avait revêtu une nature créée, et qu'on pouvait le voir et l'entendre sur la terre? Quelques rayons de vérité, quelques troubles salutaires doivent, à coup sûr, avoir atteint plusieurs âmes, comme la douce contagion de la présence de Jésus et de Marie. Car sont-ils jamais proches sans qu'aucune bénédiction s'ensuive? Mais tous ces mystères du séjour en Égypte sont divinement enveloppés dans la vie cachée. C'est ainsi que s'écoulèrent les années qui avaient été fixées, et quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil, disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël. Car ils sont morts, ceux qui cherchaient la vie de l'enfant. » Joseph se leva avec la même promptitude qu'autrefois. Il n'y eut point de retard. Personne, à Héliopolis, ne se souciait de les retenir. Ils étaient trop obscurs. Ils étaient libres d'aller et de venir comme il leur plaisait. Les étoiles de la nuit versaient leurs rayons tremblants comme des traits déliés de lumière sur le sein du Nil, lorsqu'ils commencèrent leur course et rendent vers leur patrie. Ils revirent les eaux de la mer rouge. Encore une fois le vent de nuit du désert soupira autour d'eux, lorsqu'ils s'étendirent pour se reposer sur les sables. Une fois encore leurs regards furent charmés à la vue des collines et des murs des vignobles de Juda, la terre aimée que Dieu avait choisie. Néanmoins, la croix ne devait pas être éloignée tout d'un coup. Le temple de Jérusalem les attirait naturellement vers lui. Mais Joseph connaissait le prix du trésor qu'il était chargé de garder, et, lorsqu'il eut appris qu'Arkélaü régnait à la place de son père, Il eut peur d'y aller. Dans sa crainte, il chercha sans doute la lumière au sein de la prière. Un avertissement surnaturel lui vint pendant son sommeil, et il reçut l'ordre de se retirer en Galilée. Ainsi, le long voyage se prolongea jusqu'à ce qu'enfin leur ancienne demeure, à Nazareth, les reçut tous trois. Tel fut le mystère de la seconde douleur. Il embrassa un laps de temps incertain, car nous ne devons pas restreindre cette douleur à la fuite seule. Épiphane pensait que notre Seigneur était âgé de 2 ans lorsqu'il s'enfuit et qu'il resta en Égypte durant 2 années. Nicéphore fixe la durée de ce séjour à 3 années. Baradius l'étend à 5 ou 6 années, et Ammonius d'Alexandrie à 7. Maldonade ne l'étend pas à plus de 7 années ni à moins de 4. Baronius conclut, d'après des considérations variées, que notre Seigneur s'enfuit dans sa première année et retourna dans sa 9e, après avoir ainsi donné 7 années entières à l'Égypte. Suarez penche vers la même opinion, quoiqu'il dise que rien de positif ne peut être décidé à cet égard. Le nombre de 7 années est aussi celui qui est le plus généralement admis parmi les fidèles. Cette douleur nous présente 3 objets différents de dévotion. La fuite, avec toutes ses craintes, ses difficultés et ses fatigues. Le séjour, avec son sentiment de l'exil et la société des idolâtres. Et le retour, avec les particularités résultant de ce que Jésus avait grandi en âge et en taille. Une pieuse contemplation peut, suivant la disposition de l'esprit, passer de l'une à l'autre de ces 3 divisions de la seconde douleur. Mais, pour la comprendre dans son unité, il faut que nous la considérions comme un drame en 3 actes, la fuite, le séjour et le retour, par lesquels, comme nous le verrons tout à l'heure, elle devient une double douleur. Nous pouvons donc maintenant passer de la partie narrative du mystère à la considération des traits particuliers de cette douleur. La première chose à remarquer, c'est que, comme Siméon avait été l'instrument de la première douleur, de même Joseph fut l'instrument de la seconde. Cette dernière circonstance était bien propre à affecter le cœur aimant de Marie. Il y a une certaine apparence de cruauté à nous envoyer les afflictions par l'intermédiaire de ceux que nous aimons. Shakespeare dit que le premier porteur d'une mauvaise nouvelle se charge d'une mission désagréable. Ainsi, c'était à la fois une douleur pour Joseph d'apporter un nouveau chagrin à Marie, et c'en était une pour elle de la recevoir de lui. Le monde a souvent été glorifié par des exemples héroïques d'affection conjugale. Plusieurs de ces exemples nous ont été transmis par l'histoire, comme des phénomènes remarquables trop précieux pour la sagesse et la consolation du genre humain pour être oubliés. Dans les profondeurs plus intimes de la vie privée, l'affection conjugale est un feu pur qui brûle toujours. Mais jamais le mariage n'environna de sa sanction divine un amour conjugal aussi pur, aussi vrai, aussi vif que celui qui existait entre Joseph et Marie. Jamais il n'y eut une telle unité, une telle identité, une vie autant en dehors de soi-même et de l'un en l'autre, qu'elle l'était en eux. C'était la perfection même de l'amour naturel. Après l'amour naturel de Marie pour Jésus, la terre n'a jamais vu un autre amour tel que celui qui existait entre Joseph et Marie, à moins que ce ne fût aussi l'amour de Joseph pour le Saint-Enfant. Mais, outre cet amour naturel, il y en avait, dans le cœur de Marie, un autre qui était surnaturel, et l'amour surnaturel est non seulement plus profond, mais plus tendre que l'amour naturel. Il met en jeu les capacités profondes du cœur humain bien autrement que l'affection naturelle ne le peut faire. Pour Marie, Joseph était l'ombre du Père éternel, le représentant de son époux céleste, le Saint-Esprit. Elle voyait en lui, avec une clarté imposante et la tendresse la plus respectueuse, deux personnes de la très sainte Trinité. Lorsqu'elle voyait Jésus dans les bras de Joseph, c'était pour elle un mystère trop profond pour être exprimé par la parole. Les larmes seules pouvaient l'exprimer. Et puis, la sainteté éminente de Joseph était continuellement devant les yeux de Marie, et elle était initiée à ces opérations de la grâce qui, dans l'âme de Joseph, furent sans doute plus grandes que chez tout autre saint. Car c'étaient les grâces de celui qui était le maître de la maison de Dieu. Ainsi, pendant que la seconde douleur donnait à Marie l'occasion d'exercer son obéissance envers celui qui lui avait été donné pour maître, ce n'était pas pour elle une légère aggravation de cette douleur, qu'elle lui arriva cette fois par l'intermédiaire de Joseph. Elle y trouvait encore une plus grande aggravation dans le fait que sa souffrance semblait venir moins directement de Dieu, et plus de la méchanceté des hommes, que cela n'avait eu lieu dans la première douleur. Autrefois c'était une prophétie, une révélation que Dieu lui faisait de l'avenir, et dont il lui donnait une vision claire qui devait l'accompagner sans cesse. Maintenant il faut entrer en contact avec la violence dont Jésus devait être la victime, et le calvaire, en touchant Marie pour la première fois, la glace jusqu'au cœur. Dans notre sphère limitée de souffrance, à coup sûr nous devons tous avoir éprouvé plus de peine à recevoir une croix lorsqu'elle nous venait non directement de Dieu, mais par les mains de nos semblables. Et non seulement c'est là une peine de plus, mais il semble que ce soit précisément le point pénible. Nous nous imaginons, sans doute en nous faisant souvent illusion, que nous aurions porté notre croix avec patience et avec joie, si elle nous était venue tout entière de Dieu. Mais il y a quelque chose qui déshonore la croix dans sa transmission par les mains d'autrui. Elle devient ainsi une épreuve non seulement pour notre patience, mais encore pour notre humilité. Il n'y a rien d'humiliant à sentir le poids de la toute-puissance de Dieu s'imposant par lui-même, avec l'intervention seule des causes inanimées secondaires. Il n'y a rien d'humiliant dans la mort d'un enfant chéri, dans la perte d'une sœur aimée, dans la dispersion d'une famille par la mort, ni dans la désolation de notre demeure par quelque terrible accident. L'humilité n'est pas l'effet immédiat, direct que les catastrophes divines produisent dans l'âme. Mais lorsque Dieu nous punit par l'injustice des hommes, par les basses jalousies d'autrui, par les soupçons indignes d'amis incrédules, ou par un amour quelconque non payé de retour, alors les natures les plus courageuses reculent et refusent la croix si elles le peuvent. Il est vrai que la raison leur dit que Dieu est réellement la source de l'affliction, et que celle-ci vient de lui, même lorsqu'elle coule à travers autrui. Mais rien, si ce n'est une humilité extraordinaire, ne fera de ce précepte de la raison une conviction pratique. Même avec ses causes inanimées, il y a quelque chose de cette répugnance que nous avons à nous soumettre à l'affliction. Si une mère apprend la mort de son fils, son âme se remplit d'amertume, mais aussi de résignation, lorsqu'elle est chrétienne. Mais des nouvelles plus complètes surviennent. Cette mort a été le résultat d'un simple accident, et ne fût pas arrivée s'il y eût eu le plus léger changement dans les circonstances qui l'ont accompagnée. Si elle n'était pas arrivée dans le temps et dans le lieu même où elle est arrivée, elle n'aurait pas pu arriver. Éloigner quelque négligence innocente, ou imaginer la moindre prévoyance ordinaire, Et la mère pourrait encore à cette heure presser entre ses bras son fils dans toute la fleur de la jeunesse. La mort a été si exceptionnelle, qu'il est extrêmement rare que les circonstances se combinent comme elles l'ont fait alors. Elle semble s'être à dessein, comme une fatalité, réunie pour le faire périr. À ce voile n'est-il pas assez mince pour que l'œil d'un chrétien discerne notre Père Céleste à travers? N'y a-t-il pas un baume qui rend la mort moins cruelle, dans la pensée qu'elle a été amenée avec une intention de bonté si manifeste? Regardez cette mère chrétienne et voyez. Sa résignation a presque disparu. L'austère foi est tout ce qui lui reste pour la soutenir dans sa douleur. Les larmes se sont échappées de nouveau. Elle a rompu le silence et fait entendre ses plaintes. Elle s'est tordue les mains, elle a abandonné ses occupations et demeure assise en pleurant sur le bord du chemin. Elle a raconté si souvent son histoire, que cette histoire a grandi dans son esprit. Chaque fois qu'elle l'a racontée, une teinte légère d'exagération y est entrée, tellement que la mort de son fils est devenue pour elle un mystère pénible, une injustice inexplicable, un coup qui ne saurait être supporté, et qui est manifestement intolérable. C'est ainsi que l'action des créatures rend les sources de nos afflictions plus amères, trois fois plus amères. Mais il y a encore quelque chose de plus dans l'impatience avec laquelle nous souffrons l'intervention des créatures dans nos infortunes. C'est la confiance, profondément enracinée dans nos âmes, que nous avons en la justice de Dieu, et qui est le fondement de tout ce qu'il y a de plus viril dans notre vie. Il semble que ce soit notre nature de supporter les coups de Dieu. Il y a même quelque chose de consolant dans le sentiment de sa présence près de nous, que révèle l'acte de la punition. Notre être tout entier croit à l'infaillibilité de l'amour de Dieu et demeure tranquille, même lorsqu'il est mécontent. Aucune idée de cruauté n'est suspendue autour de cette pensée de Dieu, quoique nous sachions qu'il a créé l'enfer. Mais tout visage créé a quelque chose de cruel. Il y a dans chaque œil quelque chose qui nous avertit de ne pas nous y fier entièrement. Peut-être pouvons-nous nous y fier beaucoup, mais non au plus haut degré. L'idée que nous sommes à la merci de cette cruauté nous fait reculer devant la douleur qui semble venir directement des mains des créatures. Notre sentiment de sécurité est détruit. Nous ne savons pas jusqu'où les choses iront. Chose étrange, il semble que nous connaissions tout, lorsque nous sommes sous l'étreinte du Dieu inscrutable, mais que si des créatures ont mis leurs mains sur nous, il y a au dernier plan, des objets effrayants, des mondes d'injustice encore inconnus, des abîmes souterrains, de tristes possibilités d'injustice, le tout grossissant et se multipliant comme des ombres. Entre les sentiments que nous éprouvons, au milieu des infortunes qui nous viennent directement de Dieu, et celles qui nous arrivent par les hommes, il y a la même différence que celle qui existe entre les sentiments d'un criminel impopulaire, au bruit des cris sauvages de la multitude qui demande son sang à travers les murs épais de sa prison qu'il sait être imprenable, et sa terreur quand il est dans la rue exposé aux outrages du peuple dont les regards cruels sont fixés sur lui, alors que la faible garde qui l'entoure doit céder à la première attaque. Dans le premier cas, il a à faire face au calme réfléchi de la justice. Dans le second, il a à braver la barbarie indéfinie, des sauvages. David même, dont le cœur était selon le cœur de Dieu, ressentit profondément cet effroi. Après qu'il eut fait le dénombrement de son peuple, et que Dieu lui eut laissé le choix de son châtiment, il répondit « Je suis dans une grande perplexité, mais mieux vaut que je tombe dans les mains du Seigneur, car ses miséricordes sont nombreuses, que dans les mains des hommes. Et ainsi il choisit la peste, qui ne sent en effet que le Dieu immuable et plus aisé à fléchir que les cœurs de chair de ceux qui sont pécheurs comme nous. Il change ses desseins plus facilement que l'homme. Quand Dieu se tient entre nous et le monde méchant, nous nous sentons en sûreté, et nous gémissons, mais avec calme, reposant notre tête sur ses pieds, même lorsque nous sommes assis à terre dans la désolation. Mais quand le monde impitoyable est lui-même sur nous, nous sommes dans un état plus digne de pitié que la brebis tondue, le vent du nord désole en liberté la plaine dépouillée. C'était là ce que Marie éprouvait. Toute clôture tombe autour d'elle, le mur qui avait été debout entre la dureté réelle du monde et le cœur brisé de Marie, s'écroule. Les agitations croissantes de son martyre l'affligent d'autant plus, quoique le courant de sa tranquillité intérieure continue à couler sans précipiter son cours. C'en est assez sur la manière dont cette seconde douleur vint à Marie. Mais la part qui eut Saint Joseph ne s'arrête pas là, elle s'étend à toutes les années qu'embrasse cette douleur. Joseph était vieux, et son âge avait besoin de repos. Il demeurait dans une atmosphère de calme, qui semblait le mieux convenir aux grâces dont il était prévenu, et qui leur permettait de se développer librement, comme le magnifique feuillage qui, selon les voyageurs, croît dans les îles où les vents ne règnent presque jamais. Sa vie était une vie de tranquillité extérieure aussi bien qu'intérieure. La hâte, la précipitation et le manque de régularité lui étaient étrangers. Il unissait la modestie virginale à l'amour le plus fervent. Il était simple comme Jacob, méditatif comme Isaac, et menait une vie de foi profonde, bien au-dessus de la surface des tempêtes de l'âme, comme Abraham. Il ressemblait, ou du moins la pensée en vient naturellement, il ressemblait à Adam, rempli de douceur et de sainteté, et jouissant, avant sa chute, de la paisible familiarité de Dieu. C'était une fleur qui eût dû s'épanouir dans quelque lieu situé en dehors de la terre, ou être enlevée et transplantée dans l'antique Éden de l'innocence de l'homme. Ô combien le cœur de Marie débordait d'amour et d'admiration pour ce trophée des grâces de Dieu les plus douces et les plus suaves. Mais elle devait l'entraîner dans la tempête. Elle devait le jeter au milieu de la foule de la vie. Dans cette foule grossière, rude, précipitée, brutale, et voir son esprit si doux, meurtri, blessé, épuisé par la lutte. Combien convenait mal à son âge le froid et le chaud, le vent et l'humidité du désert. De quel effroi ses yeux ne furent-ils pas frappés à la vue des visages sauvages et féroces des Arabes, et de la sombre expression de ceux des Égyptiens, et que sa voix se trouve étrangement mêlée aux leurs. Marie sentait dans son cœur chacune de ces choses, ainsi que beaucoup d'autres et de pires au sujet desquels nous ne savons rien, mais avons beaucoup à conjecturer. La vue seule de Jésus, la pensée seule du péril de l'enfant, la rendait capable de le supporter. Et puis, comme une fleur transplantée dans un nouveau climat, Joseph répandait une telle lumière, de si doux parfums, tant de fleurs nouvelles, tant de différents fruits. Son âme était plus belle que jamais, et avec l'éclat de sa beauté, croissait la force de l'amour de Marie, et avec cet amour, chaque épreuve, chaque chagrin, chaque incommodité de son aimable vieillesse devenait une affliction plus vive et un chagrin plus profond qu'auparavant. Mais Marie était véritablement enfermée dans un cercle de douleur. De Joseph, elle reportait ses regards sur Jésus. Son union avec lui devenait une habitude surnaturelle pleine de précieux résultats pour son âme. Cette union amenait à sa suite des effets rapides de sainteté, ornait Marie de perfections extraordinaires, Elle opérait constamment ce que le runelangage de la théologie mystique appelle une transformation déifique. Nous ne pouvons nous former une idée juste de ce qu'elle était. Mais il y a des moments où nous saisissons dans nos âmes une lueur passagère de ce que la présence, habituelle du Saint-Sacrement a fait pour nous. Nous nous apercevons non seulement qu'elle a eu une certaine action sur chaque vertu et chaque grâce que Dieu peut nous avoir donnée, mais qu'elle nous a changés, qu'elle a accompli un travail dans notre nature, qu'elle nous a imprégnés de sentiments et d'instincts qui ne sont pas de ce monde, et qu'elle a évoqué ou créé en nous de nouvelles facultés auxquelles nous ne pouvons donner un nom, et dont nous ne pouvons définir les fonctions. La manière dont un prêtre dit l'office ou l'étrange rapidité de sa messe sont une énigme pour ceux qui restent hors de l'Église. Ils sont tout à fait incapables de comprendre combien il y a de réalité dans la vue de Dieu que le catholique trouve dans le Saint-Sacrement. Ils ne peuvent comprendre combien de sa part toute affectation de lenteur et de solennité, toute prétention à l'effet, en un mot, toute préoccupation des autres ou de soi-même, serait un pur oubli de Dieu, et du saint tremblement qui est dû par toute créature à son auguste présence sur nos autels. Cette expérience peut nous donner une idée vague de ce que la présence de Jésus avait produit en Marie. Combien donc ne devint-elle pas plus sensible touchant les souffrances de Jésus? Le changement que sa présence opérait en elle, ajoutait chaque jour une nouvelle susceptibilité à sa douleur. Elle voyait pour lui des épreuves dans de petites choses, qui hier peut-être elle avait à peine discernées. Car, si son amour s'accroissait, ses lumières devaient s'accroître aussi, puisque, dans les choses divines, la lumière et l'amour se correspondent inséparablement. De même que dans notre mesure restreinte, notre tendresse et notre perception touchant la majesté offensée de Dieu s'accroissent avec nos progrès dans la sainteté et la délicatesse plus raffinée de notre conscience. Ainsi les facultés que possédait Marie de se sentir blessée dans ses sentiments envers Jésus, se développaient chaque jour à un degré étonnant. Mais ce n'était pas tout. Il y avait un changement en Jésus aussi bien qu'en Marie, et, comme l'autre, ce changement était une nouvelle source qui alimentait le fleuve de ses douleurs. Jésus n'était pas une vision stationnaire, pas plus que la présence du Saint-Sacrement, qui vit, qui agit, qui croit, qui déploie ses attraits, qui se manifeste, et qui, dans son immutabilité, change autant que l'adoration du ciel, dont les vastes intelligences des anges ne se fatiguent jamais. Ainsi, le Saint-Enfant répandait constamment une lumière nouvelle et développait sans cesse une nouvelle beauté. C'était un trésor inépuisable de charme surnaturel. Il semblait toujours que Marie l'eût connu parfaitement tout d'abord, et que cependant elle ne fit que commencer à le connaître. Dans son amour pour lui, il y avait comme un mélange d'habitude et de surprise, qui ne ressemblait à aucune affection terrestre, car bien qu'elle pressentît comme par un instinct prophétique comment il agirait dans telles circonstances données, elle était en même temps tout à fait sûre que, l'action arrivant, il s'y trouverait quelque trait inattendu, quelque surprise divine. C'est ainsi qu'en Marie les délices de l'étonnement se mêlaient toujours à celles de l'habitude. Ses facultés d'observation et la plénitude de son intelligence doivent aussi avoir été vivifiées par la rapidité et l'expansion de son amour. Rien ne lui échappait. Pour elle, rien ne manquait de signification. S'il y avait des abîmes dont il était impossible de mesurer la profondeur, du moins devenait-elle de plus en plus habile à les sonder. Jésus était une révélation, et, par conséquent, il faisait naître la science aussi bien que la foi. Même pour nous, Apprendre notre Seigneur et croire en lui sont deux choses différentes. Quelle leçon que celle que nous enseigne Jésus lui-même, c'est une leçon divisée en un million de sciences. Une leçon pour l'étude de laquelle l'éternité comme une université où les meilleurs parmi nous ne finiront jamais leur cours ni ne prendront jamais leur degré. Cette leçon, Marie l'apprenait mieux que ne peuvent le faire les anges dans le ciel. Le mérite de la grâce que révélait notre Seigneur était infini, le prix de ses actes de chaque jour était infini, la satisfaction de chacune de ses moindres souffrances était infinie, tellement que dans tous ces abîmes infinis de la seconde douleur, Marie trouvait trois longues époques, je dirais presque trois éternités, pour apprendre la beauté de Jésus et pour élever son propre amour au niveau de sa science. Il y avait d'abord le désert, ensuite l'Égypte, et puis encore le désert. Et toutes ces lumières accumulées, cette sensibilité, cette beauté, ces grâces, ces attraits, toutes ces qualités si propres à exciter l'amour ne servaient qu'à rendre plus tranchant le glaive de Siméon. Le résultat de chacune d'elles, le résultat de toutes, le produit de leur combinaison était réellement une immensité de douleur. Il y a deux manières de combattre le chagrin. L'une se trouve dans la retraite de nos propres demeures, dans le secret de nos cœurs souffrants, avec la présence de Dieu autour de nous sans que rien vienne nous distraire. Mais, dans les circonstances les plus favorables, ce n'est pas là une tâche facile. Le cercle ordinaire des devoirs domestiques est pesant et plein d'ennuis, et, quand même l'affliction serait maîtresse du choix de ses épines, elle n'en serait guère plus supportable. Il semble toujours que les croix ne nous conviennent pas, et que, dans le cas où nous nous trouvons, il y ait quelque aggravation particulière qui justifie au moins un certain degré d'impatience. Mais le combat est beaucoup plus rude à soutenir lorsqu'il nous faut aller à la rencontre de l'ennemi, affronter la présence et les voix des hommes, au milieu d'un public impitoyable, recevoir notre affliction des mains de nos semblables et sentir le poids de leur malice. Dans un pareil cas, ce n'est pas que nos occupations extérieures soient une distraction désagréable pour nos chagrins. Ce n'est pas simplement que notre douleur nous fasse sentir que nous avons le droit de nous dispenser du tracas de ces occupations, mais notre travail extérieur lui-même est affliction. Nous allons chercher la peine. Nous quittons l'abri de notre demeure tout exprès pour aller à sa rencontre. Nous faisons de notre mieux pour que la souffrance nous prenne à notre désavantage, lorsque nous ne sommes pas sur nos gardes, au milieu d'une multiplicité de choses à faire, et lorsque nous avons à regarder de plusieurs côtés à la fois. Et cela ne dépend pas de notre choix. C'est une simple nécessité. Des deux combats que nous avons à livrer à la douleur, celui-ci est de beaucoup le plus pénible à soutenir, et celui dans lequel il est le moins probable que nous remportions la victoire. En passant de la première douleur à la seconde, l'affliction de la Sainte Vierge passa d'un combat plus facile à un autre plus difficile, si toutefois le mot de combat peut s'accorder avec une tranquillité toute céleste. La nouvelle affliction réclamait l'obéissance extérieure et non le simple assentiment d'une générosité intérieure. Elle avait auparavant souffert dans le sanctuaire de son âme. Maintenant les fatigues personnelles, les privations extérieures et le rude travail entrent dans sa douleur. Ceux qui savent apprécier la timidité d'une sainteté extrême auront quelque idée de ce que ce changement en lui-même, et considéré à part d'autres circonstances aggravantes, infligeait à la nature délicate de notre Sainte Mère. Il n'est pas rare que les personnes qui commencent à mener une vie sainte éprouvent, presque malgré elles, une sorte de mépris pour les pratiques extérieures de la religion. Elles peuvent être trop bien instruites pour tomber dans quelque opinion erronée à ce sujet. Mais, malgré tout, le sentiment dont nous parlons est en elle et s'y manifeste pendant quelque temps dans plusieurs petites circonstances. Les habitudes de la piété intérieure sont comparativement nouvelles pour elle, et, comme elles ont le sentiment récent du peu de mérite de la dévotion extérieure lorsqu'elle est séparée de l'autre, elles s'exagèrent l'importance des choses intérieures et les regardent sous un jour trop exclusif. Il y a quelque chose de si délicieux, c'est là la seule expression convenable, dans les premières expériences de notre union intime avec notre Seigneur, que, faute de pratique, la foi ne le voit pas comme elle verra un jour dans les observances communes et dans les cérémonies du culte extérieur de l'Église. Mais lorsque l'âme croit en sainteté, il s'y produit une réaction. La prière vocale reprend l'importance qui lui est propre. On voit que les sacrements sont des choses intérieures. Le calendrier de l'Église laisse une impression plus profonde sur notre dévotion. Les chapelets, les scapulaires, les indulgences et les confréries font dans nos âmes un travail d'apprentissage, un travail intérieur et profond. À la fin, pour une sainteté éminente, les choses extérieures sont simplement les vases remplis jusqu'au bord, dans lesquels Jésus a changé l'eau en vin, et qu'il se plut à verser continuellement dans l'âme. Pour un saint, une seule rubrique a en elle une vie qui le jette en extase ou qui le transforme tout d'un coup en un saint plus grand qu'auparavant. Nous pouvons citer pour exemple la conduite de saint André Avellino dans la Semaine Sainte. Pour un commençant inexpérimenté, il n'y a peut-être rien de moins intelligible en sainte Thérèse que sa dévotion à l'eau bénite. On peut comprendre sa doctrine de la prière, de la quiétude, plus facilement que son recours continuel à l'eau bénite et les grandes choses qu'elle en dit. De tout cela, il résulte qu'il y avait dans la seconde douleur de la Sainte Vierge une particularité que nul autre qu'un saint ne saurait pénétrer complètement, et un saint même ne saurait la pénétrer complètement, car il faut nous rappeler que c'est de Marie qu'il s'agit. Nous voulons parler de la privation des avantages spirituels au milieu du désert et en Égypte. Il n'y avait pas là de temple, probablement pas de synagogue. Il ne s'y faisait pas de sacrifice, si ce n'est ceux qui étaient en abomination et en horreur à l'âme de Marie. Il n'y avait pas autour d'elle l'atmosphère ineffable de la vraie religion, mais, au contraire, les ténèbres repoussant et la réunion décourageante de la plus abjecte incrédulité et du culte dégradant des plus vils animaux. Pour Marie, c'était là une désolation terrible. L'éminence de sa sainteté ne l'engageait pas à se dispenser des secours les plus ordinaires de la grâce, mais bien à s'y attacher avec une appréciation plus intelligente. La sainteté ne lui enseignait pas à se tenir debout ou à marcher en prenant pour soutien ou pour guide les observances extérieures, mais plutôt à leur donner de plus en plus tout le poids de ses vertus. Elle se sentait d'autant moins capable de se dispenser des petites choses, qu'elle était plus richement douée des grandes. Elle était parvenue plus clairement et plus profondément que tout autre à cette grande vue des saints, que, dans les choses spirituelles, une grâce n'en remplace jamais une autre ni ne fait l'opération d'une autre. Une piété moins éclairée ne voit pas de différence entre succéder et remplacer, et perd ainsi de son respect pour les choses dont elle n'aperçoit plus le côté divin. Comme la contemplation vend la plus élevée retrouve son chemin à travers les trésors de méditation qu'elle a accumulés, pour en revenir presque à la simplicité indistincte de la première prière de l'enfant à genoux. De même, rien n'est plus étonnant que de voir comment, Dans leur sublimité, les saints reviennent toujours à la sage petitesse et aux trivialités enfantines de leur premier commencement. Les embarras de la spiritualité sont seulement les symptômes de l'imperfection. Nous traversons le fleuve pour arriver au pays de Chanaan. D'abord l'eau est basse. Elle devient plus profonde à mesure que nous avançons. Mais elle redevient basse près de l'autre rive, et s'élève en pente douce vers le rivage céleste. C'était donc à coup sûr une vive souffrance pour Marie d'être privée des observances extérieures de la religion. Son esprit regrettait les dépendances du temple avec sa foule d'adorateurs, les fêtes antiques qui ramenaient chacune à son tour le spectacle émouvant et délicieux du cérémonial de la loi, et la voix des antiques écritures hébraïques qui se faisaient entendre dans la chair du lecteur de la synagogue. La présence de Jésus, au lieu de remplacer ces choses pour Marie, ne servait qu'à lui faire désirer plus ardemment ces cérémonies que lui-même, tant d'années avant d'être son enfant, avait établies et prescrites sur le mont Sinaï. Nous ne pourrons apprécier justement ce chagrin particulier de Marie, mais nous devons nous le rappeler. Pour l'apprécier, il nous faudrait l'exquise sensibilité de Marie, il nous faudrait, comme elle, un vif besoin des choses de Dieu et une présence visible de Jésus pour changer ce besoin en faim dévorante. Il arriva un jour à un voyageur qui avait vécu longtemps parmi les scènes et les bruits de la vie asiatique, et dans les oreilles duquel la plainte musicale de la voix du muezzin, partie de la galerie du minaret, et traversant la cité pendant la nuit, ou lorsqu'elle se réveillait au bruit du jour, avait presque effacé le souvenir des cloches chrétiennes, il arriva, disons-nous, à ce voyageur de remonter le cours du Danube en partant de la mer Noire, et de ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint les frontières de la Transylvanie. Il débarqua dans un village écarté, et entendit les cloches, dont le carillon étrangement familier dominait un chant rustique. Puis il vit un clair avec une croix brillante au soleil, puis quelques bannières grossières, des jeunes filles vêtues de blanc et portant des cierges, une troupe de garçons au visage, chrétiens, tenant à la main des branches d'aubépine ou de quelque arbre à fleurs blanches, et enfin un prêtre couvert d'une pauvre chape, et qui marchait sous un des plus pauvres encore, portant Jésus avec lui pour bénir les rues du village le jour de la fête Dieu. À ce spectacle, le cœur du voyageur se remplit d'une lumière, d'une émotion, d'une agitation et d'une peine vive et douce, qui lui donnèrent une idée bien éloignée de la réalité, mais une idée, cependant, de ce que Marie éprouva en Égypte. Tel fut l'effet que produisit en ce voyageur la première vue des choses saintes aux portes de la chrétienté, lorsqu'il venait d'être soustrait à l'influence des scènes étranges de la loi mahométane. Il voyait alors seulement ce qu'il avait perdu, ce que Marie perdait était actuel. Mais ce n'était pas seulement ses propres sentiments religieux qui étaient blessés par le culte faux et odieux qui l'entourait. Elle pleurait sur les âmes que ce culte perdait, sur des âmes qui ne connaissaient pas de sagesse plus parfaite, et dont l'ignorance était jusqu'à un certain point innocente, mais dans lesquelles ce culte frappait de mort le sens moral, viciait la conscience en rendant ses jugements faux et en corrompant son intégrité. C'était un système d'enchantement barbare qui tenait ce peuple antique comme dans un filet, et qui l'embarrassait dans ses iniquités, de manière qu'il ne pouvait s'échapper. C'était une organisation vaste, complète et nationale, et comme un fleuve silencieux qui entraînait ce peuple dans des ténèbres éternelles, d'une manière aussi irrésistible qu'un soliveau descend le cours du Nil. Et cependant quelle glorieuse intelligence brillait sur les noirs visages d'un grand nombre. Quelle grâce cachée, quelle disposition à la douceur et à la bonté tremblait presque dans les voix de plusieurs. Et, pendant tout ce temps, Marie tenant dans ses bras, sur les rives du fleuve, Jésus, le Sauveur du monde, l'amant le plus tendre des âmes, qui aurait bu tout entier le fleuve des âmes, si elles l'eussent laissé faire. Pourquoi ne leur prêchait-il pas sur le champ, lui dont l'esprit ne connaissait d'autre développement que celui qui lui faisait acquérir les connaissances qu'il possédait déjà d'une autre manière? Pourquoi ne laissait-il pas briller aussitôt sa lumière sur eux? Dans le délai, n'y avait-il pas en apparence quelque chose de cruel et d'inexplicable, de même que dans la lenteur de l'Église à convertir les païens? Et ce n'était pas seulement toutes ces âmes de l'Égypte qui pesaient sur le cœur de Marie comme un cauchemar, c'était aussi la gloire de Dieu. Une seule parole de Jésus pouvait réparer tout cela, et cette parole ne fut pas prononcée. Si le mal était pénible à supporter pour Marie, ce n'était pas précisément qu'il y eût rien d'insolite dans la volonté de Dieu. Elle avait trop souvent honoré les 4000 ans pendant lesquels Jésus n'était pas venu, pour ne pas comprendre le mystère des délais divins. Ce mal lui était pénible à supporter à cause de la destinée de cette terre qui renfermait un si grand nombre d'âmes, à cause de l'immense multitude que le limon du Nil nourrissait et engraissait pour une fin si peu assurée. Les grandes choses paraissent petites auprès de celles qui sont démesurément plus grandes qu'elles. Il en est ainsi des éléments nombreux des douleurs de Marie. Des circonstances, dont chacune ferait un véritable poème tragique dans une sphère plus commune, se rassemblent en foule, d'une manière presque imperceptible, autour des chagrins si grands de la Sainte Vierge, et ces chagrins percent les nuages de la tempête et disparaissent à nos regards. Nous ne devons cependant pas les oublier. Nous devons les laisser s'accumuler de la manière même qu'elles s'accumulèrent dans le mystère actuel. Il y a, dans l'exil, bien des souffrances sur lesquelles nous n'avons pas besoin de nous apesantir ici. Ce sont des souffrances qui ôtent au cœur toute sa force, et un fardeau qui devient plus lourd à mesure que chaque année qui s'écoule ajoute son poids à celles qui l'ont précédé. On ne saurait s'habituer à l'exil. Chaque jour, il devient de moins en moins une habitude. Le fer est toujours dans l'âme, il y est toujours brûlant, il y cause des blessures terribles toujours béantes, qui ne peuvent se guérir. La pauvreté est partout pénible à supporter, mais où elle est le plus pénible, c'est sur une terre étrangère où nous n'avons pas de droit, à peine même le droit à la sympathie. Alors la terre nous porte parce que nous y posons nos pieds et que nous marchons, mais c'est là tout ce qu'elle fait pour nous. Elle nous porte comme un chameau porte sa charge, parce qu'il lui est plus difficile de s'en débarrasser que de la garder. C'est seulement parce que le sol est plus miséricordieux que les hommes, qu'une terre étrangère ne rejette pas avec impatience de ses champs de blé l'étranger et le mendiant. Il y avait aussi quelque chose d'affreux et d'inexprimable dans la solitude complète de Marie parmi les personnes de son propre sexe. Elle était bien plus solitaire au sein de la foule d'Héliopolis que Thaïs la pénitente ou Marie d'Égypte ne peuvent l'avoir été dans les retraites sauvages de la silencieuse Thébaïde. Et puis, elle si frêle, si faible, si inconnue, si jeune mère, fleur si délicate, sur laquelle les vents violents auraient à peine dû souffler. Cette pensée est effrayante. Mais Dieu était avec elle, dira-t-on. Oui, regardez-le, il est plus faible même que sa jeune mère. Et Joseph, sa douceur était contre lui, et si âgé, si infirme, si peu habitué à se plaindre, De quelle protection était-il contre l'oppression de ces Égyptiens au visage barbare? Le prophète pleurait sur la vigne de Sion, parce que les en étaient renversés. Qu'eût-il dit en voyant la Sainte Famille, ce vivant paradis, dépourvu de tout abri en Égypte, et dépourvu à ce point? Il nous faut passer à de plus grandes choses. Il semble qu'il n'y ait rien de contraire aux perfections de la Sainte Vierge à supposer que, dans sa seconde douleur, la crainte, qui appartient à la nature humaine, et que notre Seigneur lui-même éprouva dans son âme très sainte, avait reçu le pouvoir d'exercer son action sur Marie. S'il en eût été autrement, nous aurions à nous la représenter comme une créature à part, n'appartenant ni à la famille des anges ni à celle des hommes, comme une gloire de Dieu, non seulement unique, ainsi qu'elle l'est en effet par sa qualité et par sa sainteté, mais encore éloignée de la sphère de l'humanité. Nous aurions à imaginer que les dons qu'elle avait reçus faisaient pour elle ce que ne faisait pas pour notre Seigneur sa nature divine, c'est-à-dire qu'il la faisait cesser d'être femme, tandis que, malgré sa nature divine, Jésus était réellement homme. Alors Marie ne serait pas un exemple pour nous, et l'idée de la douleur serait en elle une chose si étrange et si déplacée, qu'elle paraîtrait fictive et sans réalité, une simple doctrine symbolique ou une belle allégorie de l'incarnation. On ne peut donc guère douter que la crainte n'ait été une des principales souffrances de la fuite en Égypte. Il y a peut-être à peine une passion qui exerce sur l'âme son pouvoir d'une manière plus tyrannique que ne le fait la crainte ou une impression mentale plus étroitement liée avec la souffrance physique. La crainte nous arrive comme un esprit qui survient à l'improviste, et qui s'élance sur nous, sans que nous sachions comment, de quelque caverne inconnue dont nous ne connaissons pas la place. Nous ne pouvons nous préparer contre son arrivée, car nous ignorons quand nous devons l'attendre. Nous ne pouvons résister quand elle arrive, car, en nous touchant, elle s'empare de nous, et sa seule présence est déjà la victoire. Elle couvre du nombre des cieux sans nuages, et glace les rayons même du soleil. Elle souffle au travers de nous comme un vent qui pénètre et qui glace nos facultés les plus vitales. Elle paralyse presque notre pouvoir d'agir, de sorte que, sous son influence, nous ressemblons à des hommes qui voient et qui entendent, mais qui sont incapables de parler ou de se mouvoir. Si la crainte n'était pas un sentiment éminemment passager, qui se produit en vertu de son agitation même, elle nous ferait perdre d'abord toute la liberté de notre volonté, et ensuite les lumières de notre raison. Toujours est-il que sa présence dans l'âme est accompagnée, tantôt par un trouble qui est pire que la souffrance, et dont la continuation, à ce qu'il nous semble, serait incompatible avec la vie, tantôt par une angoisse si douloureuse, qu'elle paraît toujours sur le point de devenir intolérable. Ce n'est pas une souffrance, c'est une torture. N'est-il pas rare que nous ayons trouvé la réalité des maux aussi intolérables que l'attente terrible qui les avait précédés? La terre ne produit pas une douleur, la justice humaine n'a pas inventé un châtiment à l'égard desquels cela ne soit vrai. Nous avons maintenant à nous représenter les effets de ce sentiment sur la sensibilité inexprimable de l'âme de la Sainte Vierge, et, en même temps, au milieu de sa sainteté incomparable. Son union avec Dieu est toujours continuelle. La tranquillité qui résulte de cette union n'est jamais troublée. Le sanctuaire est assailli, mais non profané. La crainte habite son enceinte, mais la barrière n'en est pas forcée. Marie savait parfaitement que le calvaire devait venir, et elle savait combien il était encore éloigné. Elle n'ignorait donc pas que son enfant ne devait pas alors périr par la main d'Hérode. Cependant, la crainte, sans obscurcir les lumières de son esprit, pouvait détruire en elle le sentiment de la sécurité. Car, dans la crainte, les pensées peuvent être en elles-mêmes justes et judicieuses, mais elles restent isolées. Elles sont stériles, elles n'ont pas de conclusion. N'est-ce pas là justement ce que le livre de la sagesse dit de la crainte, chapitre 17, que ce n'est autre chose que le trouble de l'âme qui se croit abandonnée de tout secours, et moins elle a tant de soulagement au-dedans d'elle, plus elle grossit, sans les bien connaître, les sujets qu'elle a de se tourmenter? D'ailleurs, notre Seigneur peut alors avoir tenu son cœur voilé pour Marie. Il n'allait pas mourir, il est vrai. Mais que d'autres abîmes de misère pouvaient être ouverts, sans qu'elle les vît, aux pieds même de Marie. Puis, il y a tant de choses qui ne font pas mourir et qui sont pires que la mort. Les souffrances possibles sont inépuisables, même dans le sort limité de l'homme. La mère pouvait être séparée du fils. À ses propres yeux, Hérode pouvait le donner à une autre. Qu'étaient les ténèbres de l'Égypte ou même l'éclipse du calvaire comparées à une si affreuse séparation? La connaissance qu'avait Marie de l'avenir n'embrassait pas tout, malgré sa vaste étendue, ou, du moins, elle pouvait être incertaine qu'il en fût ainsi. Il pouvait y avoir des dangers inattendus, comme les 3 jours d'absence. Ne pouvait-elle pas alors craindre la venue de quelques-uns d'entre eux? Jusqu'à quelles extrémités une sainteté semblable à celle de Marie pouvait-elle éprouver de la terreur? Trembla-t-elle à la vue des voleurs qui traversaient le désert dans l'éloignement? Quand le vent inquiet de la nuit s'éveillait soudainement dans les cimes des palmiers, ou dans les tresses tombantes de l'acacia, comme un murmure indistinct de voix humaines, Marie avait-elle peur? Les yeux noirs des Égyptiens l'effrayèrent-ils, lorsqu'ils se fixèrent d'un air investigateur sur l'enfant? La crainte lui fit-elle hâter ses pas, trompa-t-elle sa vue, se joua-t-elle cruellement de son oreille défiante? Ne serra-t-elle pas plus d'une fois son enfant contre son sein dans une étreinte convulsive, faisant intérieurement le vœu de ne jamais se séparer de lui qu'en cessant de vivre? Sentit-elle résonner à l'ouïe de son esprit éclairer les lamentations des mères de Bethléem, ou bien les cris aigus et déchirants des petits innocents volaient-ils après elle sur les vents du désert? Vous le savez, ô notre mère, nous ne devons pas oser le dire. Mais qui pourrait douter que la crainte fît éprouver à Marie les plus terribles souffrances, en faisant du désert et de l'Égypte un Gethsémani de plusieurs années? Assurément ce fut l'ombre des ténèbres égyptiennes qui tomba sur elle, et quoique, à l'égard de Marie, nous ne puissions prendre à la lettre ce que l'Écriture dit de ces antiques ténèbres de l'Égypte. Cependant elle nous donne une idée vague et indéfinie de ce que souffrit la Sainte Vierge, la seule qu'il soit désirable ou respectueux d'en prendre. Étant alors tout abattu d'un même sommeil dans cette effroyable nuit qui leur était survenue du plus profond des enfers, ils étaient effrayés, d'un côté, par ces spectres qui leur apparaissaient, et de l'autre, par la défaillance même de leur esprit, par des craintes soudaines et inattendues, dont ils se trouvaient surpris. Que si quelqu'un était tombé, il demeurait renfermé sans lien dans cette prison de ténèbres. Car, soit que ce fût un laboureur, ou un berger, ou un homme qui travaillait au champ, qui eût été surpris, il se trouvait dans une nécessité et un abandon inévitables, parce qu'ils étaient tous liés par une même chaîne de ténèbres. Le vent qui soufflait, le concert des oiseaux qui chantaient agréablement dans les branches touffues des arbres, le murmure de l'eau qui coulait avec impétuosité, le grand bruit que les pierres faisaient en tombant, la course des animaux qui se jouaient ensemble sans qu'ils les pussent apercevoir, les hurlements des bêtes féroces, ou les échos oui retentissaient du creux des montagnes, toutes ces choses, en frappant leurs oreilles, les faisaient mourir d'effroi. Car le reste du monde était éclairé d'une lumière très pure, et s'occupait à son travail sans aucun empêchement. Eux seuls étaient accablés par cette profonde nuit image des ténèbres qui leur étaient réservées, ils étaient devenus plus insupportables à eux-mêmes que leurs propres ténèbres. Sagesse, chapitre 17, 13 à 20.